J'y suis pas du tout aujourd'hui, là. J'arrive pas. Ces histoires de retraite, ça me prend la tête. Ah, c'est ça. Moi, je suis avec Monceau Assurance. C'est top. Tu épargnes ce que tu veux, quand tu veux, et t'en profites à ta retraite. T'as le contrôle du match, un peu comme moi, là. Pas mal. Allez, go! Prenez le contrôle de votre retraite et venez partager l'expérience Monceau Assurance. Plus d'infos sur monceauassurance.com. France Culture. Avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Dans cette série sur médecine et philosophie, nous avons évoqué le grec Hippocrate et le romain Galien. Rendons-nous dans une autre partie du monde pour rencontrer un autre personnage important. Troisième épisode, Avicenne, figure hors norme. Avicenne n'était pas modeste. C'est net dans l'autobiographie qu'il a laissée, mais en un sens, c'est justifié, tant il a brillé dans les sciences en général, dans la médecine et dans la philosophie. Persan, né en 980 à Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan, mort en Iran en 1037, cet homme que dans son pays on appelait Ibn Sina a été nommé le prince des savants par ses disciples. La réussite d'un de ses traitements sur un prince samanide malade, alors qu'Avicenne n'avait que 17 ans, lui a valu en récompense l'accès à la bibliothèque du palais des Samanides. On ne sait pas tout de la vie d'Avicenne, par exemple pourquoi exactement a-t-il quitté ce palais à un moment donné pour rejoindre une autre principauté au sud de la mer d'Aral, un autre palais. À nouveau, quelques années plus tard, il fuit les Turcs, rejoint un émir à Hamadan dont la mort l'obligera à partir encore à Ispahan cette fois. Quoi qu'il en soit, sa réputation est grande auprès des princes de Perse, de Mésopotamie et du Turkestan. Cependant, sur le plan théorique, Avicenne n'est-il pas d'abord et avant tout un continuateur d'Aristote qu'il lit et qui lui permet de répondre à certaines questions laissées en suspens par Hippocrate et par Galien ? Qu'a inventé Avicenne au juste ? C'est notre question ce matin. Bonjour Myriam Septi. Bonjour. Vous êtes une spécialiste d'Avicenne sur lequel vous avez beaucoup écrit. Je renvoie nos auditeurs à notre site qui fait figurer tous vos travaux. De même pour vous, Joël Chandelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, médiéviste et vous aussi, vous êtes un puits de science sur Avicenne. Je vous propose pour commencer cette conversation d'écouter un extrait du film L'Oracle qui a été réalisé en 2013 par Philippe Stölzel sur la vie et la réputation d'Avicenne. Il ne faut pas toucher. Je ne sens aucune douleur. Votre blessure a été anesthésiée pour pouvoir être recousue sans douleur. Comment ? Avec une pommade de pavot. Une pommade de pavot ? Nous en utilisons depuis des siècles. Qu'utilise-t-on chez vous ? De l'hydromel. Beaucoup d'hydromel. Vous avez l'air plus intéressé par la médecine que mes autres patients. Je suis venu pour devenir élève d'Avicenne. Comment le connaissez-vous ? On m'a dit que c'était le plus grand médecin du monde. Il n'est pas si exceptionnel que cela, plutôt ordinaire même. Vous le connaissez ? Un peu plus chaque jour. Vous pourriez lui parler de moi ? Il faut vous reposer. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un extrait de L'Oracle, donc ce film de 2013 sur Avicenne. Je crois que vous l'avez vu, Joël Chandelier, ce film. Est-ce qu'il fait honneur, à, au moins en tout cas à l'aura, à la réputation d'Avicenne ? On entend bien dans cet extrait que cette réputation traverse les contrées. Oui, c'est un film qui vraiment est à la gloire hein, d'Avicenne, même si évidemment il prend des grandes libertés avec la réalité historique. Mais il insiste beaucoup sur sa valeur de médecin, comme on vient de l'entendre, et sur ses capacités à inventer de nouveaux traitements, à trouver de nouvelles solutions. Donc c'est un film que je ne conseillerais pas d'un point de vue purement historique, mais par contre qui vaut la peine d'être vu pour montrer à quel point jusqu'à aujourd'hui Avicenne reste une figure presque légendaire en fait de notre civilisation. Alors la question que pose tout de suite la figure d'Avicenne, je vous la pose immédiatement donc à tous deux, et donc Myriam Septi d'abord. Est-ce que dans le monde musulman médiéval, avant Avicenne, il y avait d'autres figures importantes de la médecine et de la science, et d'une certaine façon, hélas pour notre culture, nous serions fixés sur Avicenne et ce serait peut-être une erreur. Qu'en pensez-vous ? Oui, il y a une autre grande figure qui est aussi médecin et philosophe. La plupart des philosophes étaient médecins. D'accord. Voilà, on conçoit pas la médecine. La médecine est conçue par Avicenne comme une science tout à fait mineure, très facile. Dans son autobiographie, il dit voilà, c'était rien. Alors que la métaphysique est très difficile. Il dit qu'il a eu beaucoup de mal. Mais la médecine, c'est une science mineure, très facile et qui ne peut s'entendre que dans une conception de l'être humain en général. Voilà, ça c'est. Et pour répondre à votre question, oui, il y a eu Razès, qui a été connu des Latins aussi, Abou Bakr al-Razi, qui était aussi un grand médecin et un grand philosophe, dont l'œuvre a été connue au Moyen-Âge aussi, latin, et qui était un des premiers grands médecins de l'islam. Ben, parlons de lui un petit peu, ça nous fera pas de mal. Hein. Donc Razès, on va l'appeler comme ça, pour éviter l'ensemble des noms, enfin, voilà, on va fixer. Donc il est né en 865, il est mort en 925, donc c'est un persan comme Avicenne, il écrit en arabe je crois, et il connaît bien Hippocrate et Galien, ce qui renvoie à un point important. Hippocrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, Galien, 2e siècle après Jésus-Christ, sont parfaitement connus dans le monde qui, après la conquête arabe à partir du 6e siècle, est un monde islamique. On connaît ça parfaitement, on les lit en quelle langue d'ailleurs ? Alors, un énorme, extraordinaire mouvement de traduction est entrepris du patrimoine scientifique et philosophique grec et médical, donc, du grec à l'arabe, souvent en passant par l'intermédiaire du syriaque, mais tous ces auteurs sont lus en arabe. Et si tous ces persans écrivent en arabe, c'est parce que l'arabe est devenu la langue de la science. Et donc, on traduit, ce qui veut dire qu'il y a des gens pour lire parfaitement le latin et le grec, on traduit... Le grec, c'est toujours en grec, d'accord. Et on traduit beaucoup, on sait, on connaît plein de choses de l'antiquité, disons, occidentale. C'est un mouvement de société, parce que à l'époque, c'est une fortune de payer, d'aller chercher les manuscrits. Un manuscrit, c'est le prix d'une maison à l'époque. C'est vraiment une fortune, donc oui. Il faut aller chercher les manuscrits, payer les traducteurs. Souvent, il y a deux traducteurs, l'un qui traduit du grec au syriaque et l'un autre du syriaque à l'arabe. Donc, et tout ça est financé par les princes, il y a des sponsors. C'est un mouvement de société, ce qui a été très bien documenté ces dernières années par la recherche. Donc, c'est vraiment un grand pan de la culture grecque qui est accueilli dans cette langue qui est l'arabe et qui devient la langue de la transmission du savoir. Et jusque très tard. D'accord. Alors, voilà. Merci de nous préciser Ces circulations entre Occident et monde islamique. Je vous poserai d'ailleurs tout à l'heure la question inverse, c'est-à-dire jusqu'à quel point on connaît dans le Moyen-Âge occidental la production intellectuelle arabe ou persane, ou disons du monde islamique. Je vous laisse répondre à ces questions historiques complexes, mais qui sont nécessaires pour qu'on comprenne bien Joël Chandelier. Ce qu'il faut voir, c'est que du point de vue des Arabes ou des Persans qui lisent les textes une fois traduits, le savoir issu du monde grec, comme d'Aristote, évidemment pour la philosophie, mais Galien, Hippocrate, c'est un savoir universel. Mm-hmm. Il n'y a pas un savoir qui devrait être lié à un territoire donné, à une civilisation donnée. Et donc si on a traduit ces textes-là, et non pas par exemple les littératures, ou très peu, c'est parce que ce qui intéresse, c'est la vérité. Et la vérité est considérée comme étant parfaitement exprimée, ou en tout cas très bien exprimée par ces grands auteurs. Et pour ce qui est de la médecine, on les traduit et immédiatement on les commente, on les résume, on les discute. Hein, et par exemple, l'auteur dont on a parlé, Razès, a écrit un ouvrage complet intitulé « Doutes sur Galien ». Donc ce sont des listes d'erreurs qu'il a trouvées chez Galien, que pourtant il admire, qu'il considère comme le plus grand médecin de tous les temps. Mais il ne s'agit pas de le suivre servilement, il s'agit d'en discuter les théories et éventuellement de les corriger. Alors, si j'ai bien compris, Razès a dirigé un hôpital à Rai, j'espère que je prononce correctement. J'ai aussi appris, mais c'est peut-être un ragot, qu'il a refusé de se faire opérer de la cataracte Peut-être parce qu'il n'avait pas confiance dans les autres médecins que lui, non ? Est-ce que je me trompe ? Disons qu'il avait une haute estime de lui-même, ça c'est certain. Et la cataracte, l'opération à l'époque est extrêmement délicate et difficile. Oui. Et donc, il peut y avoir des raisons simplement de prudence. D'accord. Et puis là, il y a un autre personnage qui a 50 ans de plus qu'Avicenne. Donc, je pense qu'il ne l'a pas connu, puisqu'il est mort quand Avicenne avait 14 ans. C'est Ali Ibn Abbas al-Majouzi. Alors, c'est un des trois grands médecins du monde persan. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Joël Chandelier ? Oui, en fait, c'est un auteur donc qui vit au cours du Xe siècle, donc pas tout à fait contemporain effectivement d'Avicenne, un peu avant, et qui est un des premiers à avoir proposé une grande synthèse médicale, un livre total sur la médecine. Et il est important parce que ce que nous disent certains auteurs plus tardifs, c'est que jusqu'à ce qu'Avicenne écrive, c'est lui qui avait écrit la grande encyclopédie médicale que tous les étudiants utilisaient. Et malheureusement pour ce personnage un peu oublié aujourd'hui, même si il a quand même été traduit en latin et il a eu un certain écho, c'est que son œuvre, qui est extrêmement bien faite, hein, cette synthèse médicale, a été remplacée par l'œuvre d'Avicenne peu de temps après. D'accord. Alors, pourquoi la Perse, hein ? Pourquoi est-ce là qu'on trouve le plus de philosophes médecins ? En tout cas, même quand on creuse au-delà d'Avicenne, c'est souvent dans cette contrée-là, cette partie du monde-là, qu'on rencontre des figures importantes. Le reste du monde islamique abrite-t-il lui aussi des figures qui sont très importantes ? À cette époque ? Oui. Effectivement, beaucoup de ces grandes figures sont perses, mais donc écrivent en arabe. Mais par exemple, Farabi, il va vivre à Bagdad, il va rechercher la science à Bagdad. Bon, Avicenne n'a jamais quitté l'Iran, Après, il se passe quelque chose dans le monde perse. Oui, il se passe quelque chose dans le monde perse. Il se passe quelque chose dans le monde. Oui, c'est vrai. Il se passe quelque chose. Des très grandes figures. Il y a le Kindi qui est un très grand philosophe qui a participé au mouvement de traduction, qui lui est arabe. Hein, il vient d'une tribu arabe. Donc c'est le premier des ce qu'on appelle des falasifa, donc de ces philosophes de tradition grecque, qui est arabe. Mais je sais pas si eux faisaient ces différences-là. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez, Joël Chandelier ? Le monde persan a vraiment... C'est un très grand moment pour cette civilisation-là, ces siècles 8, 9, 10. Alors, c'est vrai que c'est un peu ambivalent, comme vient de le dire même Septi, c'est-à-dire qu'eux ne se considèrent pas tant que ça comme persan ou arabe, puisqu'ils partagent en fait une même culture scientifique exprimée en arabe. Mais il est vrai qu'à partir du Xe siècle, il y a une renaissance culturelle persane, on va dire, en persan d'ailleurs aussi, avec des ouvrages qui sont écrits, parce que, alors il y a plein de raisons socio-économiques, il y a aussi la protection de pouvoirs locaux qui essayent, qui défendent en fait la science, qui promeuvent la science comme élément de légitimation. Hein. C'est Avicenne a servi des grands princes qui utilisaient un peu son prestige pour l'utiliser. Donc il y a toutes sortes de phénomènes qui font qu'effectivement l'Iran, le monde iranien, disons, hein, c'est plus large que l'Iran d'aujourd'hui, connaît une explosion culturelle. Mais il faut pas, voilà, elle n'est pas la seule. Hein. Au même moment, en Égypte, dans l'Égypte fatimide notamment, il y a là aussi un grand renouveau intellectuel. Donc il y a des centres comme cela. C'est vrai que Bagdad reste un centre très important à l'époque d'Avicenne, mais il n'est plus aussi important qu'il a pu l'être autrefois, du fait de la décadence en fait des pouvoirs politiques qui s'y trouvent. Et qu'est-ce que l'Occident en connaît de cette effervescence intellectuelle et scientifique du monde perse et arabe au sens plus islamisé, disons. Alors, à cette époque, pas grand-chose. À l'époque d'Avicenne, l'Occident, disons, le monde latin, ou même le monde grec, d'ailleurs, n'est pas très intéressé, n'a pas des rapports, disons, culturels extrêmement développés. C'est beaucoup plus tard, au cours du XIIe, XIIIe siècle pour l'Occident latin, qu'on va s'intéresser à ce qui s'est fait dans ce monde-là, donc plusieurs siècles, parfois après, et on va traduire des textes. Et on va d'ailleurs colporter des légendes hein, sur ces personnages un peu mythiques, du coup, qui ont vécu plusieurs siècles auparavant, qui ont produit ces œuvres extraordinaires, Razès, Al-Farabi, Avicenne. Et l'écho de ces légendes, ben, on en a entendu un petit bout dans ce film, L'Oracle, hein, qui continue à nous transmettre ces éléments. Alors Al-Farabi, vous avez cité ce nom l'un et l'autre, on va en parler, d'autant plus qu'il est présent dans un extrait de l'autobiographie d'Avicenne que je vous propose d'écouter et qui permet de, de faire un peu le point sur cet enfant, Avicenne, au départ. D'où vient-il? Qui était sa famille? Comment s'est-il fait connaître? Écoutez. Mon père était originaire de Balkh. Sous le règne de Nur ibn Mansur le Samanide, il s'en alla de Balkh à Boukhara. Il y travailla dans l'administration. Il devint préfet de Karmaïtan, centre d'un district de la région de Boukhara, métropole ancienne. Aux environs de Karmaïtan se trouve un district nommé Afshana. Il y épousa ma mère et s'y installa. Nous y naquîmes, moi, puis mon frère. Par la suite, nous allâmes tous à Boukhara. J'y commençais l'étude du Coran et des belles-lettres. À l'âge de 10 ans révolus, j'étais venu à bout du Coran et d'une grande partie des belles-lettres, si bien qu'on en était surpris. Mon père décida de m'envoyer auprès d'un marchand de légumes qui connaissait le calcul indien, pour l'apprendre de lui. Sur ces entrefaites, Abdou Abdallah Natili, qui se disait philosophe, vint à Boukhara. Mon père l'hébergea dans l'espoir qu'il m'enseignerait quelque chose. Avant son arrivée, je m'étais attaché à Ismail Zahid pour étudier assidûment la jurisprudence et j'étais un de ses meilleurs élèves. Ensuite, Natili me quitta, s'en allant à Gorganj. Quant à moi, je m'appliquais à lire et à étudier Al-Farabi et d'autres commentaires sur la physique et la métaphysique. Et de jour en jour, les portes de la science s'ouvraient devant moi. Puis je m'adonnai à la médecine et je me mis à lire les ouvrages composés sur cette science. Comme la médecine n'est pas une des sciences difficiles, j'y montrerai promptement ma supériorité si bien que des médecins capables l'étudièrent sous ma direction. De plus, pratiquement, je donnais mes soins aux malades. Ainsi, les portes du traitement fondées sur l'expérience s'ouvrirent devant moi, d'une manière indescriptible. En même temps, je soutenais discussions et controverses de jurisprudence. À ce moment, j'étais âgé de 16 ans. Eh ben dis donc, Myriam Septi, quel enfant, à 10 ans, il vient à bout, au bout du Coran et des belles lettres. À 10 ans, c'est fini, sa culture coranique est achevée. Et puis à 16 ans, il est un grand médecin. En tout cas, c'est lui qui le dit. Pouvez-vous nous apporter votre commentaire éclairé? Alors, cette autobiographie a été lue, beaucoup, beaucoup travaillée. Et en fait... Elle exprime la conception de la science d'Avicenne, de ce que c'est, comment on arrive à la connaissance. Et ce qu'il décrit, c'est presque l'illustration de ce que c'est que pour lui un esprit de philosophe auquel s'ouvre, il dit s'ouvre les portes du savoir. En réalité, c'est la connexion avec l'intellect agent, c'est-à-dire la science est donnée quasiment d'un coup. Un peu plus loin dans cette autobiographie, il dit depuis cette époque, ma science est la même. Elle a pas changé. Mmh. C'est-à-dire que c'est la connaissance, c'est quelque chose qui s'acquiert par intuition philosophique très forte. Oui. Et donc ça a été montré dans un travail de Dimitri Goutas. Donc c'est vraiment toute sa conception de ce qu'est l'acquisition de la science par un esprit philosophique. Et voilà, donc c'est vrai. Vous pensez vraiment qu'à 10 ans c'était cet enfant génial qu'il décrit? Non, je pense qu'il refait l'histoire de sa vie à partir de sa conception de la connaissance. Voilà. Vous êtes d'accord, Joël Chandelier? Oui, d'autant plus que pour ce qui est de la médecine, on sait très bien qu'il a eu des maîtres en réalité. Dans son autobiographie, il n'a pas l'air d'avoir de maîtres, il a simplement lu des livres de médecine. Il essaye d'appliquer cette connaissance qu'il a acquise brutalement par la simple lecture. Et là s'ouvre l'expérience, c'est-à-dire la pratique concrète. En réalité, on le sait par divers moyens, qu'il a eu plusieurs maîtres qui lui ont enseigné concrètement à soigner. Et je pense que peu de gens se hasarderaient à aller voir un médecin qui n'a fait que lire des livres, puisque tout le monde sait que la médecine nécessite aussi une connaissance pratique. Donc il est certain, exactement comme vient de le dire Myriam Septi, que c'est une reconstruction pour montrer ce que doit être le cursus honorum, si l'on veut. En tout cas, la suite de l'apprentissage. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une succession tout à fait logique. On commence par les belles lettres, les sciences religieuses, puis on passe au calcul et petit à petit on va vers les sciences les plus difficiles, c'est-à-dire la métaphysique, les sciences les plus élevées. Joël Chandelier, l'intérêt que portait Avicenne à la difficulté intellectuelle, à la métaphysique, vous l'avez dit tout à l'heure, Myriam Septi, c'est une des raisons pour lesquelles on dit souvent qu'Avicenne est plus philosophe que médecin, c'est-à-dire les questions théoriques l'occupent beaucoup. Est-ce que c'est exagéré ? Est-ce qu'il était quand même un très grand praticien, un très grand clinicien ? Alors là, il y a un débat chez les historiens qu'il n'est pas possible de trancher en vérité. Dans son autobiographie, un peu plus loin, il s'arrête parce qu'il n'a pas terminé, elle est terminée par un de ses élèves. Et cet élève nous dit que tout au long de sa vie, il a mis sur des petites feuilles volantes tous les cas pratiques qu'il a traités pour ensuite les intégrer dans ses œuvres médicales et notamment dans son canon. Sauf qu'il les a perdus. Et que du coup, il n'a pas pu les transcrire complètement. Et de fait, quand on lit ses œuvres médicales, il y a très très peu de cas concrets qui sont évoqués. Même si dans la biographie, très souvent, le topo, c'est qu'il va auprès d'un prince qui est malade. Et le soignant, grâce à ses grandes qualités, il devient son conseiller. Donc, qu'en est-il de sa pratique ? Il a été praticien, c'est certain, on ne peut pas le nier. Maintenant, il est vrai que son intérêt le porte plus vers ce qui serait la théorie de la pratique. C'est-à-dire, ce n'est pas tant, pour la médecine, hein, je parle de la théorie générale de ce qu'est la médecine, même si ça a pu l'intéresser, mais c'est sur les règles qui encadrent la pratique médicale. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme règle universelle d'une pratique qui est nécessairement particulière, puisque chaque patient est différent, chaque maladie a sa propre évolution, et on ne peut pas tirer d'une pure pratique des règles absolues. Alors, je voudrais vous demander à vous aussi, Myriam Septi, si la pratique est vraiment un enjeu important dans la vie d'Avicenne ou malgré tout secondaire par rapport à son goût extraordinaire pour les choses théoriques. Il me semble, quand on lit son traité de l'âme, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qu'il accorde une importance à l'homme dans le monde. C'est-à-dire, quand on voit le traité de l'âme du livre de la guérison, qui est son œuvre majeure, le traité des sens internes, par exemple, occupe une très grande place. Comment je sens, comment je perçois, comment j'imagine. Donc, il me semble qu'il a... Un des apports d'Avicenne, c'est d'avoir remis le corps au centre de la philosophie. Remis le corps, ses émotions, ses perceptions au centre de la philosophie. Ça n'empêche que le but de l'existence humaine, c'est de devenir, voilà, de devenir un pur intellect. Mais c'est par et dans son expérience au corps, avec, dans le monde, qu'on peut arriver à ça. Donc ça fait une rupture avec le platonisme, avec le néoplatonisme qui l'ont beaucoup influencé. Mais pour moi, sa pratique médicale a influé sa philosophie. Voilà, c'est... Alors avant de vraiment d'entrer dans le détail de sa philosophie, l'importance de sa lecture d'Aristote, les dettes éventuelles envers des gens comme Al-Farabi, on va étudier cela après, si je puis dire, en tout cas en parler, j'aurais quand même qu'on entende un conseil d'Avicenne à propos des nourrissons, enfin pour montrer qu'il avait quand même des intérêts, si je puis dire, une attention très pratique à l'égard des patients, y compris les plus jeunes, et je trouve d'ailleurs que ce texte extrait du canon à propos des nourrissons, des tout petits enfants, est assez moderne. Régime des nourrissons lorsqu'ils passent à l'âge de l'enfance. Il convient que toute l'attention soit portée à l'amélioration et à la modération des mœurs de l'enfant. Et cela consiste en ce que ni colère forte, ni peur violente ne leur arrive, ni tristesse, ni veille. Il faut toujours en cela veiller, à ce qu'il s'applique à ce qu'il désire et convoite, et qu'il ne soit pas permis que se présente à lui quelque chose qu'il déteste. Et il y a à cela deux utilités. L'une concerne son âme, pour qu'elle s'épanouisse grâce aux bonnes mœurs depuis l'enfance, et pour que cela devienne pour lui une habitude stable. L'autre concerne son corps, puisque de même que les mauvaises mœurs suivent l'image de la mauvaise complexion, de même, lorsque les mœurs proviennent de la coutume, une mauvaise complexion s'ensuit. Intéressant, Myriam Septi, ces conseils, ne pas frustrer les petits-enfants, ne faire attention à une éducation qui, justement, les mettrait en situation de douleur ou d'excès d'attente. Je dis que c'est très moderne parce que on sait maintenant que, par exemple, la notion de caprice n'a pas vraiment de sens avant... 5 ans, il y a des gens qui ont un enfant de 2 ans, 1 an et demi, qui fait des caprices, ça n'a pas vraiment de sens. Avicenne était très moderne, Myriam Septi. Oui, c'est cette idée que, en fait, l'âme et le corps sont donc liés, même si l'âme est une substance immatérielle et que le corps est une substance matérielle, mais il y a cette cette théorie dont Joël Chandelier parlera mieux que moi, des tempéraments, de la miction du corps, où il faut garder un équilibre. Donc cet équilibre, c'est à la fois celui de l'âme et celui du corps. Si l'âme est effrayée, elle va agir sur le corps. Mmh. Si le corps est déséquilibré, il va agir sur l'âme. Et donc l'équilibre s'obtient par... C'est, l'équilibre doit être celui de l'âme et celui du corps. Et on ne peut pas détacher l'un de l'autre. Ça, c'est toute les médecines traditionnelles. C'est une notion qu'on retrouve dans toutes les médecines traditionnelles, chinoises, arabes, indiennes. Et ce qu'il dit là, c'est ça. Le nourrisson ne doit pas avoir peur. Parce que la peur va perturber l'harmonie de son corps et de sa miction corporelle. Et c'est à la fois une approche, disons, psychique, dirions-nous aujourd'hui, et puis assez matérielle, somatique, il faut s'occuper de leurs besoins. Est-ce que vous voulez commenter un peu ce rapport aux patients d'Avicenne, Joël Chandelier? Oui, alors pour ce qui est de ce texte et de cette question de la peur ou de la tristesse, en fait, pour les médecins arabes, avant Avicenne déjà, les émotions, ce qu'ils appellent les accidents de l'âme, sont l'une des causes potentielles de santé ou de maladie. C'est-à-dire que si on est trop triste, si on a trop d'émotions fortes, on peut tomber malade ou même mourir. Et inversement, si on a des émotions positives, on peut être guéri ou en tout cas s'approcher de la santé. Et ça, Avicenne en a fait quelque chose de très important dans sa conception de la thérapeutique et de l'hygiène individuelle. Et c'est particulièrement le cas des enfants. Et c'est pour ça qu'on a ce texte qui se trouve dans une œuvre médicale, le Canon, dans la partie sur le régime, qui comporte plutôt des choses sur ce qu'on doit manger, sur l'exercice, le sport, le sommeil, etc. Et sur les enfants, il insiste sur le fait que les émotions ont une influence très forte sur eux parce qu'ils n'ont pas encore un accès total à la raison qui leur permettrait de contrôler un petit peu ces émotions et de les contrebalancer par une réflexion. Et ce qu'il nous dit ici dans ce texte, mais qui vaut en fait principalement pour les enfants, mais pour tout le monde, c'est que des émotions mal gérées ont des conséquences corporelles très graves, une santé, voire qui se dégrade, ou la mort. Mais que l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si le corps est mal préparé, il aura des tendances à être, par exemple, particulièrement peureux, particulièrement colérique, ou au contraire, stupidement heureux. Mm-hmm. Et tout cela peut être très mauvais, parce que l'âme, bien que restant incorporelle, ne pourra plus diriger correctement le corps et sera emportée par ce mouvement naturel. Donc Avicenne a écrit de nombreux textes, dont on a ici un exemple, sur ce rapport entre âme et corps, et comme l'a très bien dit Myriam Septi, on ne peut pas, pour lui, séparer les deux. Alors, tout ceci va nous mener, sur le plan théorique cette fois, à sa dette envers Aristote, à sa discussion avec Aristote. Je précise à nos auditeurs que nous parlons d'Avicenne ce matin, figure hors norme, médecin philosophe, persan. Je suis en compagnie de Myriam Septi et de Joël Chandelier, qui connaissent parfaitement sa vie et son œuvre. Alors, Aristote, est-ce qu'il l'a connu d'emblée directement dans le petit texte autobiographique d'Avicenne que nous avons lu, et c'était Riyad Kera, notre réalisateur, qui l'avait lu. On entend très bien que la personne d'Al-Farabi était un personnage très important. Alors Al-Farabi, c'est un philosophe qui est né en 872 et mort en 950. Il me semble que souvent, c'est surtout pour son lien à Platon qu'on évoque Farabi. Par exemple, il y a un petit texte très intéressant de Léo Strauss au XXe siècle sur Al-Farabi, et c'est vraiment Al-Farabi lecteur de Platon. Mais est-ce que Al-Farabi est aussi un très grand lecteur d'Aristote, et est-ce que c'est là que Avicenne a trouvé quelque chose à se mettre sous la dent qui était important pour lui? Myriam Septi. Alors, le Farabi est vraiment très important. On l'appelait le deuxième maître, le premier maître étant Aristote. Et toujours dans la même autobiographie, Avicenne raconte qu'il n'a compris la métaphysique d'Aristote qu'après avoir trouvé un livre de Farabi qui s'appelle La finalité de la métaphysique d'Aristote. Et qu'avant, il ne comprenait pas ce que signifiait, parce qu'il pensait que la métaphysique se confondait avec la théologie. En lisant Al-Farabi, il a compris que la métaphysique, c'était avant tout une ontologie dont la théologie n'était qu'une partie. Donc Farabi a joué un rôle très important dans sa vie. On l'a vu, c'est quelqu'un qui est pas très modeste, qui reconnaît peu de maîtres. Et un des rares maîtres qu'il reconnaît dans sa vie, c'est Farabi. Mmh. Et Farabi lui lègue... Alors, Farabi, c'est un penseur du politique aussi, du juste, de la cité. C'est bien pour ça que Léo Strauss, au XXe siècle, s'est intéressé à lui. C'était vraiment des questions straussiennes. Mais il y a aussi des intérêts métaphysiques chez Farabi. Et notamment, enfin, j'ai lu qu'il y avait des théories de l'émanation, cette idée que le monde a été créé, mais le divin émane encore. Enfin, il y a des choses qui émanent du divin vers le monde. Est-ce que ça va, ce que je dis là, ou c'est une vision peut-être non, c'est très occidentale juste. Du problème? C'est très juste. En fait, Aristote a été connu par deux canaux dans le monde arabo-musulman. Il y a l'Aristote historique, avec la métaphysique d'Aristote, le traité de l'âme, les traités de logique d'Aristote, l'Organon. Et puis, il y a les trois dernières Énéades de Plotin qui ont été traduites en arabe et attribuées à Aristote en arabe. D'accord. Donc Al-Farabi était un grand lecteur de tout cela. Et Farabi, donc, a lu un Aristote néoplatonisé où le système d'émanation était présent dans sa pensée, ce qui n'est pas le cas de l'Aristote historique. D'accord. Et donc, en fait, c'est pas totalement absurde, parce que tout le travail des philosophes d'Alexandrie avait été de concilier la philosophie de Platon et la philosophie d'Aristote. Donc, ces philosophes arabes, qui sont pas vraiment arabes, mais on les appelle arabes parce qu'ils écrivent en arabe. Oui, Farabi est lui-même persan. Voilà. On continuait ce travail de néoplatonisation d'Aristote. D'accord, je comprends mieux alors là maintenant. Et Joël Chandelier, du coup, se pose une question assez naturelle. Quelle est la place du Coran, de la lecture du Coran, dans ces lectures d'Aristote et de Platon qui sont opérés par Al-Farabi, disons, au début du Xe siècle, puis un peu plus tard par Avicenne. On a tendance à vouloir opposer, pour les périodes anciennes du Moyen-Âge en général, que ce soit d'ailleurs dans le monde arabe, enfin arabo-musulman, ou le monde latin, foi et science, philosophie et textes révélés. Or, il peut y avoir des points, évidemment, de friction, mais dans l'ensemble, tous ces auteurs essayent, quand c'est nécessaire, de voir ce qui est cohérent et de chercher une cohérence dans le monde, puisque le principe de base, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre la révélation et donc le Coran et la science. Et les deux sont des moyens d'accès à une connaissance, l'une plutôt par une tradition transmise et que l'on doit analyser, l'autre par une réflexion rationnelle. Et Dieu ayant confié à l'homme la raison, ils sont tout à fait capables de l'utiliser, ils doivent même, pour certains, l'utiliser. Donc, pour quelqu'un comme Avicenne ou d'autres auteurs comme Razi ou Farabi, il n'y a pas de... quand ils travaillent en philosophe, ils vont parfois aller citer des passages du Coran, ça arrive, ça les intéresse, mais quand ils estiment que c'est utile pour la meilleure compréhension du monde et non pas dans un esprit, disons, de polémique, hein, où il y aurait d'un côté les philosophes et de l'autre, disons, les théologiens. Peut-être ça arrivera plus tard, mais à l'époque, disons, d'Avicenne, il y a l'idée qu'il est possible d'arriver à une connaissance unifiée, même si eux, évidemment, sont surtout philosophes. Oui. Et dans la vie concrète d'Avicenne, quelle est la place de la religion, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement scrupuleux, pieux, pourrait-on dire, ou est-ce que c'est juste une donnée culturelle avec laquelle il travaille et ses centres d'intérêt sont quand même assez déplacés? Alors, il y a beaucoup de débats parce qu'il y a eu des accusations dès l'époque d'Avicenne sur, disons, sa pratique religieuse, sur le cas, est-ce qu'il était un bon musulman ou pas, est-ce qu'il était même musulman. Il y a des rumeurs selon lesquelles il était un juif masqué, disons. D'autres disent qu'il était plutôt chiite. Enfin, voilà, lui-même raconte que dans sa jeunesse, son père et son frère ont été convertis à l'ismaélisme, donc une branche du chiisme, et que lui n'a pas suivi. Donc il y a toutes sortes de légendes autour de cela, de débats. Lui-même... probablement n'était pas disons, quelqu'un d'une grande piété au sens personnel. Son rapport, disons, aux interdits était assez fluctuant, hein. Mais, par exemple, bon, il buvait de l'alcool et ce genre de choses, c'était pas un problème pour lui. Mais il semble pas que, justement, à cette époque, ce soit si grave que ça. On pouvait tout à fait être musulman. Bon musulman, enfin, disons, et avoir une pratique, disons, un peu différente des autres. C'était un islam assez souple qui existait dans cette période en Perse, hein. Myriam Alors, c'est petit. Lui était hanafite, c'est une des quatre écoles, une des quatre écoles juridiques du sunnisme. Enfin, oui, certains disent qu'il était peut-être chiite, mais en réalité, moi, j'ai vraiment travaillé. Rien ne permet de dire ni qu'il est l'un, ni qu'il est l'autre. Mais on dit que le hanafisme est réputé être plus souple. Et par exemple, effectivement, comme le disait Joël Chandelier, dans son autobiographie, il nous dit qu'il buvait de l'alcool pour l'aider à travailler, parce qu'il ne dormait pas de la nuit pour travailler, parce que la journée, il exerçait comme ministre, comme médecin, et la nuit, il travaillait sur ses traités de métaphysique, et l'alcool l'aidait à tenir. Et ça, c'est quelque chose qui a été retourné contre lui très tôt. Et il y a un travail récent, vraiment intéressant, qui montre qu'à partir du XIIe siècle, on a cherché à le discréditer. En l'attaquant personnellement, surtout là-dessus, on dit qu'il aimait les femmes aussi, c'est ce que nous dit son disciple à la fin de la biographie, qui finit donc son autobiographie, qu'il aimait les femmes et qu'il en est peut-être mort parce qu'il n'était pas assez sage alors qu'il était malade. Donc tout ça a été utilisé contre lui pour le décrédibiliser, parce que sa pensée est tellement importante qu'à partir du XIIe siècle, c'est vraiment, massivement, elle va infuser même la théologie. Donc il fallait le combattre et on l'a attaqué là-dessus. Alors, après ces précisions sur sa vie, son rapport à la religion, creusons la question si importante du legs d'Aristote dans la pensée d'Avicenne. Il est énorme, beaucoup d'historiens de la médecine l'ont dit, c'est vraiment l'aristotélisme qui semble dominer dans la pensée d'Avicenne. Je vous propose d'écouter Mirko Gremek, qui était un historien de la médecine d'origine croate et qui est devenu directeur d'études à l'école pratique des hautes études après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il a finalement donné à la médecine? Il a donné surtout une chose extraordinaire qui était la synthèse de la médecine de l'Antiquité. L'Antiquité a fait sa synthèse à travers l'œuvre de Galien. Mais c'est une œuvre très diffuse, peu accessible, logique, non? Non, pas accessible dans le sens, si vous voulez, de l'absence des manuscrits ou des textes. Mais il y en a trop, avec trop d'hésitation, avec trop de contradictions. Et aussi, finalement, cette œuvre n'a pas été intégrée à la philosophie de l'Antiquité. Avicenne a réussi, d'une part, à synthétiser le savoir empirique et les théories d'Hippocrate, Galien et tous les autres grands médecins de l'Antiquité, mais aussi l'intégrer dans un système philosophique qui était lié, évidemment, à l'aristotélisme. Mirko Gremek, que vous entendez là, s'exprimer sur France Culture dans les chemins de la connaissance en mars 1981. Pardon, je rectifie, c'est seulement à partir de 1963 que Mirko Gremek, qui avait étudié la médecine à l'Université de Zagreb, est venu en France, devenu donc directeur d'études à l'EPHE, et il a dirigé l'histoire de la pensée médicale en Occident. Aristote, Aristote et Aristote, c'est quand même un peu ce qu'il nous dit pour évoquer ce qui reste d'Avicenne. C'est avec Aristote qu'Avicenne a fait une synthèse théorique de tout ce qu'on connaissait en médecine, notamment. Est-ce qu'on peut dire les choses ainsi? Alors, disons qu'Avicenne a contribué à masquer un petit peu ses sources, puisque, comme l'a magnifiquement dit Mirko Gremek, l'œuvre médicale d'Avicenne, c'est une immense synthèse, notamment de l'œuvre de Galien, mais dont il masque parfois l'origine. C'est-à-dire que son but est de l'intégrer dans un système cohérent, philosophique, qui intègre toutes les sciences, hein, c'est un savoir universel, et donc il utilise massivement les informations qui viennent de l'œuvre de Galien, qui est le plus grand médecin pour lui, mais il ne cite pas toujours ses sources, on va dire. Quand on regarde attentivement ses œuvres médicales, on voit qu'il y a des passages entiers qui sont en fait des copier-coller. Hein. Mm-hmm. Je n'oserais dire, pour un si grand homme, du plagiat, mais surtout qu'à l'époque, ça n'a pas grand sens. Hein. C'est une méthode de travail tout à fait courante à l'époque. Mais voilà, il intègre les morceaux et surtout, il les réorganise selon une construction que l'on peut effectivement qualifier d'aristotélicienne, c'est-à-dire avec, même si elle est aristotélicienne infidèle, c'est-à-dire avec une vraie structure du savoir, une organisation, et c'est ça vraiment l'originalité. Donc là où il se rapproche d'Aristote, c'est justement dans cet esprit systématique, qui est alors pas du tout celui de Galien, qui est un esprit un peu confus. Enfin, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des contradictions chez Galien, c'est parce que de toute façon ce n'était pas un esprit systématique. Et si la médecine n'était pas toujours cohérente, ben, il fallait d'abord soigner les gens et pas forcément avoir un système cohérent. Voilà, il y a de longs débats entre les spécialistes de Galien pour savoir pourquoi des fois il dit le contraire d'une chose. Est-ce que c'est parce qu'il a changé d'avis? Est-ce que c'est parce qu'il s'adresse à d'autres personnes? Est-ce que dans certains cas... D'accord. Alors après, il ne faut pas exagérer. Galien était quand même... lui aussi avait un certain niveau de synthèse, mais les contradictions posaient problème, à la fois les contradictions internes et celles avec Aristote, parce que Galien est arrivé bien après Aristote, plusieurs siècles après, et parfois il n'est pas d'accord, il le dit. Et ça a été un sujet de problème qu'Avicenne a essayé de résoudre. Alors, parlons de l'âme selon Aristote, puisque je crois quand même que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour Avicenne. Moi, le peu que je sais là-dessus, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que l'âme chez Aristote, c'est la forme du corps, ce qui est très ambigu et du coup passionnant. Est-ce qu'elle meurt en même temps que le corps? Est-ce que quelque chose en subsiste? En même temps, elle semble, chez Aristote, exprimer... le caractère singulier de chacun de nous, l'exemple de la hache d'Aristote est significatif. Si la hache avait une âme, eh bien l'âme serait constituée de la faculté de trancher. Donc c'est presque une fonction, l'âme. Bon, d'accord. Alors qu'en garde, si je ne me suis pas trompée dans cet exposé bien abrupt de l'âme selon Aristote, qu'en garde Avicenne, Myriam Bepty? Alors, Avicenne en garde la définition. L'âme est la forme du corps. La perfection du corps. Voilà. La perfection du corps, pour Aristote, l'âme et le corps sont séparables logiquement, c'est-à-dire qu'on peut séparer le corps de l'âme quand on pense. C'est une fonction, on sépare la matière de la forme. Mais en réalité, elles sont inséparables. Ce qu'on appelle l'illémorphisme, c'est-à-dire si le corps meurt, l'âme meurt. Ça, donc, c'est Aristote. Ça, c'est clair qu'elle meurt aussi. Oui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord. Chez Aristote. Avicenne va reprendre la méthode aristotélicienne, le systématisme, son trait de l'âme du Chifa fait beaucoup penser au De Anima d'Aristote, parce qu'on voit la pensée se construire. C'est vraiment, moi j'ai la même fascination quand je lis les deux textes. Mais pour lui, l'âme, c'est une substance immatérielle, qui ne meurt pas, qui ne préexiste pas au corps. Donc c'est une vraie rupture là. Ah oui, pour c'est une rupture très profonde. Alors, l'âme ne préexiste pas au corps. Elle n'existe pas de toute éternité comme pour Platon. D'accord. Elle commence d'exister lorsqu'un corps est disposé à la recevoir. Donc c'est très, il s'est engagé dans une voie extrêmement difficile philosophiquement qui va lui causer de gros problèmes. Mais elle demeure après la mort du corps. Très bien. Alors, pour poursuivre cette discussion, parce que c'est à la fois subtil, un peu difficile, il y a un leg envers Aristote, puis vous venez de le dire, une énorme rupture quand même entre Avicenne et Aristote. Je vous propose d'écouter un extrait du texte « De l'âme » d'Avicenne. Vous allez voir. La plupart du temps, lorsque la forme est fermement établie dans leur âme et dans leur imagination, alors leur matière corporelle en pâtit, et la santé ou la maladie surviennent. Cela est plus puissant que ce que fait le médecin avec les instruments et les intermédiaires. Pour cette raison, l'homme peut marcher sur une poutre placée au milieu de la rue, mais si elle est disposée comme un pont sous lequel se trouve un abîme, il n'ose pas marcher dessus, si ce n'est en rampant et seulement lentement, car il se représente avec force l'image de la chute à laquelle vont obéir et sa nature et la puissance de ses muscles, alors que ne vont pas lui obéir leurs contraires, qui sont le fait de se tenir droit et de marcher. Il arrive que l'âme influe sur un autre corps, comme elle influe sur son propre corps, comme dans le cas du mauvais œil et des phénomènes d'hypnose. Lorsque l'âme est puissante et noble, semblable au principe, alors l'élément matériel présent dans le monde lui obéit et pâtit sous son influence, et ce qui était conçu par elle est alors présent dans l'élément matériel. L'âme constitue-t-elle une substance non matérielle, mais absolument claire pour Avicenne et agissant sur la matière, Myriam Bepty? Oui. Alors, pour Avicenne, le corps agit sur la matière, je pense que vous allez en parler, mais l'âme agit sur le corps. Et quand une âme est puissante, par exemple l'âme d'un prophète, elle peut agir non seulement sur son propre corps, mais sur la matière qui l'environne. Donc sur les autres corps. Sur les autres corps. Et donc, c'est une explication naturaliste de la prophétie, scientifique si on veut dire, pour l'époque. Oui. C'est pas un miracle au sens de quelque chose qui rompt l'ordre habituel des choses. C'est quelque chose qui a une explication. Donc, vous dites la prophétie, juste pour qu'on comprenne. Là, vous parlez du prophète. Oui. Dans son livre, dans son traité de l'âme, dans sa psychologie, il ne parle pas d'un prophète en particulier. Il parle de la prophétie. Il parle des prophètes. Des prophètes. Ou par exemple, dans le cas de la magie, là, dans le texte, on parle du mauvais œil. Ou de l'hypnose, c'est la capacité pour une âme puissante d'agir sur la matière qui l'entoure. Très bien. Joël Chandelier, est-ce que vous pouvez prolonger ce commentaire pour qu'on comprenne bien? Est-ce que c'est neuf, ce que dit là Avicenne? Il nous a quand même semblé, chez Hippocrate et Galien, que l'action... ils ne sont pas dénués de sens psychologique. Alors, je ne sais pas si c'est avec une idée de l'âme. Ils n'étaient pas dénués de réflexion sur l'âme, mais peut-être n'avaient-ils pas, comme Avicenne, une vision aussi précise de ce qu'est l'âme. Avicenne est vraiment, pour cette théorie exceptionnelle, c'est-à-dire que cette théorie que Myriam Septi vient d'expliquer est vraiment tout à fait particulière à lui, et d'ailleurs elle a été discutée par la suite très très de très nombreuses reprises, parce qu'elle pose évidemment plein de problèmes et plein de questions. Mais Avicenne, la théorie de l'âme pour lui et de son rapport au corps est fondamentale pour tous les aspects, et aussi pour la médecine. Et ce qui intéresse par exemple Avicenne, c'est de savoir... D'accord, l'âme est immatérielle, elle agit sur la matière, mais quel est le point de contact entre quelque chose d'immatériel et quelque chose de matériel? Ça, c'est un vrai problème qui occupera encore à l'époque moderne, Descartes, etc. Et pour Avicenne, il va s'intéresser à une théorie qui existait déjà dans l'Antiquité, la théorie du pneuma des Grecs, le ruh en arabe, le souffle. Qui est la partie la plus subtile, dit-il, la plus lumineuse de la matière, qui est produite dans le corps humain par l'évaporation du sang dans le cœur, et qui est, pour Avicenne et ses prédécesseurs, mais c'est lui qui insiste le plus, ce qui porte les facultés, les puissances, les vertus de l'âme. Et ce serait là le point de contact. Et outre donc ces théories qu'il développe sur le mauvais œil, sur l'influence des âmes très puissantes sur le monde qui l'entoure, il s'intéresse aussi à comment, à l'intérieur du corps, l'âme est en contact réel avec le corps, puisque évidemment il y a des phénomènes comme les maladies mentales, l'ébriété, tout simplement, qui nous montre très bien que l'âme est influencée par le corps, et lui va chercher dans ce souffle, alors évidemment immatériel, enfin matériel mais presque immatériel, c'est-à-dire le plus proche de ce qui est immatériel, comme c'est matériel, ça a des qualités, et ces qualités peuvent influencer les actions de l'âme. Donc il y a vraiment, dans tous les aspects, cette question du rapport entre l'âme immatérielle et le monde matériel, que ce soit le corps humain ou le macrocosme, le cosmos, c'est quelque chose de fondamental chez Avicenne. Et on est d'accord que toutes les théories matérialistes antiques, je pense évidemment à l'épicurisme, à Épicure et à Lucrèce, ça c'est complètement en dehors de son champ de vision, parce qu'eux ils ont des théories, puisque l'âme est une chose matérielle, il est bien normal qu'elle agisse, elle est tout autant constituée d'atomes pour Épicure que les corps, et on comprend bien du coup pourquoi elle peut agir. Ça c'est hors dehors de l'orbite d'Avicenne, c'est trop, je dirais, impie, faut bien le dire aussi. Les épicuriens sont des figures de mauvais croyants. Donc il met ça en dehors, mais il a de son côté, dans la suite d'Aristote, une théorie de l'action de l'âme sur le corps. C'est-à-dire qu'il connaît en fait les théories antiques, que ce soit celles d'ailleurs des stoïciens ou des épicuriens, mais pour lui, ce qui lui importe, c'est de maintenir donc cette idée d'une âme immatérielle et du coup qui ne meurt pas avec le corps, tout en gardant certains aspects, tout en essayant d'expliquer certains aspects très matériels, ou voire matérialistes, qui seraient difficiles à expliquer, justement, avec une vraie théorie telle qu'il a pu l'hériter du platonisme. Donc, son originalité, c'est de trouver une solution à ce problème fondamental de toute la philosophie ancienne, et encore de la philosophie moderne. Alors, pourquoi dit-on tellement qu'il est disciple d'Aristote, puisque sur le point le plus essentiel, il est en rupture avec lui, Myriam Septi? On ne dit pas qu'il est disciple d'Aristote. Il d'ailleurs, lui-même, quand il écrit son prologue au livre de la guérison, il dit « Je vais offrir une nouvelle synthèse ». Et son ambition, c'est de remplacer Aristote. D'accord. Et il y réussit. Après lui, on lit quasiment plus Aristote, on le lit lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient pour refaire la synthèse aristotélicienne. Là. Donc, on peut dans ce sens-là, on ne peut pas dire qu'il soit un disciple dans le sens de quelqu'un qui simplement s'inscrit dans les pas d'eux et suit. Il a une ambition très très forte. Et vous pensez que s'il n'avait pas eu une telle théorie de l'âme, Avicenne aurait eu des problèmes, notamment vis-à-vis de sa propre religion? Non, je ne pense pas que ça soit ce qui l'ait guidé, absolument non, pas. Pas non, du tout. Vraiment. C'est très important, non. Parce qu'on se... Voilà, comme... Non, je pense que c'est une conviction profonde, puisque vraiment, ce qui guide sa philosophie, c'est que l'idée que nous sommes venus sur Terre, notre âme est là, elle nous est donnée, pour que nous réalisions notre perfection, qui est une perfection intellectuelle. Mm-hmm. Donc la vie humaine, c'est un cheminement vers cette perfection. Et cette perfection n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas ce retour, parce que là, vraiment, c'est là où le néoplatonisme est important. Il y a la descente de l'âme, mais pas la descente au sens d'une chute, parce qu'elle n'existait pas avant. Mais il y a vraiment, la vie humaine, c'est de revenir, de devenir de purs intellects en acte, pour les philosophes en tout cas. Donc c'est un des axes profonds de sa pensée. Ce n'est pas une concession faite à l'islam. Bon, dernier point un peu anecdotique. Il ne s'est pas très bien soigné lui-même. Et si j'ai bien compris, il est mort de problèmes digestifs. Il s'est administré un tel traitement qu'en fait, il en est mort. Je me trompe? Ce sera notre conclusion un peu. Oui, alors c'est ce que nous raconte son élève, il était malade, il se soigne un peu brutalement, mais parce qu'il considère qu'il a une constitution très forte, donc il peut supporter des médicaments que des plus faibles ne pourraient pas. Et à peine il est remis, il reprend sa vie de débauche, on peut le dire, femme, alcool et autres. Et du coup, il ne peut pas se retenir. Et son élève termine donc la biographie en expliquant la mort de son maître par justement cette puissance de vie trop forte finalement pour son propre corps. Vous entendez Hope You're Feeling Better, une chanson de Santana de 1970. Je vous propose à présent d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il nous parle de la Seconde Guerre mondiale. Voici le pourquoi du comment. Comment la guerre transforme-t-elle l'histoire ? Terminons cette série de chroniques qui entourent en quelque sorte chronologiquement la Seconde Guerre mondiale avec des éclats de la philosophie française de la philosophie qui, en France, chercha à penser justement sa situation historique, comme disait Sartre. Terminons avec un texte que Maurice Merleau-Ponty publia justement dans le premier numéro de la revue qu'il fonda avec Jean-Paul Sartre, mais aussi à l'époque avec Raymond Aron et quelques autres, et qui s'intitulait « Les temps modernes ». Dans ce premier numéro historique des temps modernes, on trouve un éditorial très important de Jean-Paul Sartre, exprimant le rapport de la pensée à l'histoire et à l'événement, mais aussi un texte non moins important de Maurice Merleau-Ponty, intitulé « La guerre a eu lieu ». Alors bien sûr, certains philosophes résistants, comme Georges Canguilhem, diront qu'il est facile de se retourner rétrospectivement sur une guerre auquel le philosophe n'a pas participé. Maurice Merleau-Ponty le savait bien, il disait lui-même que seul le héros pourrait parler, mais justement le héros réel, il pensait à Jean Cavaillès et à d'autres, est mort et ne peut plus parler. Il savait son illégitimité partielle, même s'il a été accusé ensuite dans des débats plus compliqués sur lesquels nous ne reviendrons pas ici, mais il cherchait justement à mesurer pour la philosophie le poids de cette expérience, même après coup. Il résumait ce poids de la guerre de la façon suivante, au début de la dernière section de « La guerre a eu lieu », en disant « En somme, nous avons appris l'histoire et nous prétendons qu'il ne faut pas l'oublier ». Merleau-Ponty passe ici d'un extrême à l'autre. Comme Simone Veil, comme Canguilhem, il rompt avec son maître Alain, qui pensait que l'on pouvait juger l'histoire, qu'on pouvait, depuis le tribunal de l'esprit, de la philosophie et de la raison, dominer les événements et leur donner un sens par notre approbation ou notre refus. Pour Merleau-Ponty, au contraire, la philosophie doit désormais se soumettre en quelque sorte à la logique de l'histoire, s'y plier. Et c'est ce qui l'amènera à cette position si controversée qui lui fera justifier une certaine forme, dit-il, d'attentisme devant le totalitarisme, en espérant qu'il réalisera la justice, même si ses moyens sont inadmissibles, et Camus et Aron romperont avec lui sur ce point. Mais 10 ans plus tard, en 1955, il adoptera une position plus intermédiaire, en quelque sorte, en restituant les droits du jugement critique, du jugement qui critique l'histoire au nom de la justice, mais qui doit passer aussi par l'analyse historique et par l'épreuve de l'événement, car la guerre, en effet, quand elle a lieu, change profondément les choses. Personne ne peut se croire un esprit séparé du monde, au-dessus de lui, au-dessus de la mêlée. Camus le disait aussi, répondant à Romain Rolland. Il écrivait à un ami allemand, non pas depuis le surplomb, non pas au-dessus de la mêlée, mais en elle. Mais en elle, on garde le poids du jugement critique. Et Merleau-Ponty, qui donc, dans ce texte, La guerre a eu lieu, voit bien le poids d'injustice de la guerre, est un des rares à parler des déportations antisémites en plein cœur de Paris. Merleau-Ponty, donc, sait bien que cette expérience de l'histoire n'est pas seulement quelque chose qui doit nous dominer, mais quelque chose que nous devons pouvoir juger, critiquer avec les principes de la justice, les principes de la philosophie, dans un entre-deux dont il ne faut céder aucune part à l'autre. Merci Frédéric Worms et merci Joël Chandelier et Myriam Septi pour vos éclairages ce matin sur Avicenne. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique d'Ali Yaha. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Merci Axel Dubois, Chaïma Gibois, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !